La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Si mon peuple s'humilie et recherche ma face, j'exaucerai ses vœux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, mon Dieu, je les exaucerai. Oh, je les exaucerai. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. Oh, oh, oh, oh. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais oies, je les exaucerai, je les exaucerai. Toujours avancer, moi tu veux avancer.